الله غفور. الله رحيم. الله غفور. الله رحيم. الله يحب المحسنين. وخالقنا هو بارئنا وهو على كل شيء قدير. Quelle faveur de Dieu pouvons-nous nier? Parmi ses créatures, il nous a privilégiés. C'est vers lui qu'un jour il faudra retourner. Car dans ce monde, nous ne faisons que passer. Il commanda aux anges que l'homme soit respecté. Shaitan refusa, il fut donc rejeté. Comparé aux anges, nous ne sommes faits que d'argile. Tant que nous suivrons Allah, tout sera facile. Il nous considère comme la meilleure création. Ceci est pour nous la preuve de son affection. C'est par sa puissance que soufflent les vents. C'est par ses bienfaits que nous sommes tous vivants. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالقنا هو بارئنا وهو على كل شيء قدير. Pour égarer l'homme, Shaitan fit un vœu. Rien ne nous touche tant que nous serons tournés vers Dieu. C'est une obligation pour échapper aux démons. Notre arme est la foi, c'est un cadeau d'Allah. Quelle faveur de Dieu pouvons-nous nier? Parmi ses créatures, il nous a privilégiés. C'est vers lui qu'un jour il faudra retourner. Car dans ce monde, nous ne faisons que passer. Allah nous a créés dans la plus grande dignité. Face à lui, chaque jour, nous trouvons la sérénité. Au moment voulu, notre monde prendra fin. C'est dans l'au-delà que nous vivrons enfin. Il envoya les prophètes pour nous guider. Dans notre vie, les lois qu'il faudra respecter. Mohammed en fut le sceau, rahmatou lil alamin. Tu lui envoyas al-Qur'an al-Mubin. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وخالقنا هو بارئنا وهو على كل شيء قدير. الله غفور. الله رحيم. الله يحب المحسنين. وخالقنا هو بارئنا وهو على